Néochrome, Farashnikov, mixtape à l'écart, Tony, la famille prod. Garde le moral, c'est la maille, c'est pourraille, c'est trop pique. L'état qui décourage, j'ai prouvard jusqu'au ciel, illicite, illégal. C'est quoi le bail? Visse les putes, mets les gaz, t'étonnes plus pas plus c'est dalle. Garde le moral, c'est la maille, c'est pourraille, c'est trop pique. L'état qui décourage, j'ai prouvard jusqu'au ciel, illicite, illégal. C'est quoi le bail? Visse les putes, mets les gaz, t'étonnes plus pas plus c'est dalle. Juste vulgaire, café, cauchemar, des chinolas. Vous savez ce qu'on dit, vos lâches et de ceux qui idolâtent. Jean-Cul Nicolas, j'ai pas eu cette vie de monarque. Un que ce dans sa limonade, une flèche pour que je suis monarque. Allez, écoute la cam, c'est bien du fiou de la panne. Tu cherches Farage, tu trouveras au bout de la part. Ouais, on fourre ta chatte pour un tout de patate. La trahison se paye, un jour faudra qu'on coupe la patte. Flash tes middle kick, en avance comme Pistol Pete. Juste le Mr. Freeze, file ton fric, c'est pas qu'un little fit. J'imagine des plans avec la vision de Stanley Kubrick. Ouais, je l'ai fait parce qu'il fallait du fric. Cherche pas à savoir quel acteur je vise. À quoi ça sert d'avoir l'œil dans le viseur si tu traînes le chargeur vide. La mitraillette vous salue au bord de l'agonie. Fuck le war, tout ce que je touche reste atomique. Garde le moral, c'est la maille, c'est pourraille, c'est trop pique. L'état qui décourage, j'ai prouvard jusqu'au ciel, illicite, illégal. C'est quoi le bail? Visse les putes, mets les gaz, t'étonnes plus pas plus c'est dalle. Garde le moral, c'est la maille, c'est pourraille, c'est trop pique. L'état qui décourage, j'ai prouvard jusqu'au ciel, illicite, illégal. C'est quoi le bail? Visse les putes, mets les gaz, t'étonnes plus pas plus c'est dalle. Regarde l'époque, commence à tirer, les jeunes craquent, commence à tirer sur des joints, deviennent tous tarés, traînent tarés, parlent mal à tirer, attendent la nuit pour faire une virée, cherche la merde et rien à cirer. Dans les quartiers, y'a que des montagnes à admirer, donc ça fait que s'empirer. Le rap c'est rude, donc loin de ma vue vire ta gare. Sur ma feuille je vide ma rage. Ara ici les chemises de nique ta race, yeah. Réel depuis le démarrage, trop téméraire. Ici c'est les ténèbres, j'ai tant de reine. Ils veulent mon téméraire, ils veulent me boucler. Vider ma force, mais mon bouclier, c'est ma foi, je garde ma forme. Ici le hardcore tourne en bouclé. Ma foi, sur les fonds pis, entendez. Ici ils blissent, attendez tant de jeunes. Frère c'est dur d'être pis, en temps de guerre. Écoute la rue trembler, les frères esquivent les lois. Les violences en sortent en volant. Qu'est-ce que tu veux faire, ce monde des violents, pour deux trois chaînes ne les coupe pas. L'état n'enchaîne pas les coupables. Si tu es en tol ou à la rue, reste pas un chien, les écoute pas. Garde le moral, c'est la maille, c'est fourraille, c'est trop pique. L'état qui décourage, j'ai prouvard jusqu'au ciel, illicite, illégal. C'est quoi le bail? Visse les putes, mets les gaz, t'étonnes plus pas plus c'est dalle. Garde le moral, c'est la maille, c'est fourraille, c'est trop pique. L'état qui décourage, j'ai prouvard jusqu'au ciel, illicite, illégal. C'est quoi le bail? Visse les putes.